presentem Oh La La Music. A partir d'aquests moments, la música en francès. Un programa amb Rafael Corbí. De vous imaginer un monde sans musique où nul ne peut chanter. Fini les romances, rien que du silence. Oh La La Music, a la vostra emissora. Doncs sí, Hola La Music, el bon programa de música en francès que us presenta, que us dirigeix, que us porta al vostre costat en Rafael Corbí. I qui seran els protagonistes avui? Doncs diferents, bons intèrprets que ens acompanyaran amb les seves cançons. La primera d'elles, la Carol Masfort, amb les seves cançons, Al final de l'hivern, és la primera que n'escoltarem amb el programa d'avui. Fauché d'un coup, projeté au fond de mon antre, toujours fleuri de robes légères. Prisonnière de ton courroux prostré, gelée la peur au ventre, cloîtrée de longues nuits dans ma tanière. J'hiberne, je ne renonce pas, j'ai même allumé quelques lanternes, si jamais tu voulais. Le temps de me remettre debout, me passer de tes mains absentes, braver le froid de tes vents contraires. Décider de sortir du trou, entamer une remontée lente, relever le cœur en bandoulière. Jeter sur la neige des cailloux, baliser le chemin tremblotante, allumer phares et flambeaux dans l'hiver. Porté par mon amour fou, prisé, toujours aimante, ramper jusqu'à toi souriante et fière. Je ne sens plus mes doigts bleus. Tu me retrouveras là, à la fin de l'hiver. J'hiberne, je ne renonce pas. J'ai même allumé quelques lanternes, si jamais tu voulais me retrouver. Jour compté à trop, se caresser la peau, les os. Leurs cœurs se sont scellés, leur corps comme aimanté. C'est un couple dangereux. Ils resserrent les liens, le joug qui leur contraint, la peau, les os. Et ils s'adorent, ils s'aiment, ils se dévorent. C'est un couple dangereux. Ne peuvent plus en démordre, s'enroulent jusqu'à se tordre la peau, les os. Se ronge et se régale. Festin de cannibale, c'est un couple dangereux. Il cogne, il couine, il crisse le sommier où se visse la peau, les os. Aucun pleur ni remords n'a pu briser le sort de ce couple dangereux. Il s'aime, il se dévore. C'est un couple dangereux. C'est un couple dangereux. Et c'est reparti pour un tour. Et le manège fonctionne toujours. Tant qu'il y a de l'envie, il y a des histoires qui tuent. On se refait pas mon truc à moi, c'est avec toi, c'est l'aventure, je carbure à ça, c'est ça ma vraie nature. Bien sûr j'y crois plus pour toujours, que mon cœur est un peu plus lourd, blessure d'amour laisse des traces d'usure. Mais je voudrais pas qu'il en soit autrement, la vie c'est marrant, collé serré contre ta peau tout le temps. Des bas, des hauts, des patatras, des froids, des chauds, des aléas, des cent et trop, des restes là, là, là, la vie, quoi. Maintenant tu me connais mieux, tu sais que du crémier je veux, le beurre, l'argent du beurre, le cul, le cœur. C'est beaucoup trop, tu me l'assures, ce n'est pas tant dans la mesure où tu me prends tout autant qu'un tricheur. Des pas, des hauts, des patatras, des froids, des chauds, des aléas, des sans de trop, des restes là, là, là, la vie, quoi. Dans de beaux draps de soie, je te jure. Bien sûr, j'y crois plus comme avant, que mon cœur est un peu plus lent, à perdre plus on se forge une armure. On se refait pas ton truc à toi, mon truc à moi, c'est jouer à chat, puis on verra tant que ça dure, ça dure. Des bas, des hauts, des patatras, des froids, des chauds, des aléas, des cent et trop, des restes là. La la la vie, quoi. Des bas, des hauts, des patatras, des froids, des chauds, des aléas, des sans métro, des restes là. La la la vie, quoi. Així us hem volgut presentar també la música de Carola Massport, que és ella, però que fa referència a un duo. De fet, tot i que s'utilitza el seu nom des de París, Carola Massport, que està format per ella mateixa, amb aquesta veu tan extraordinària que acabeu d'escoltar i que ja fa temps que ens acompanya en la seva música, i Geoffrey Buthorst, que també ens acompanya a través d'aquestes cançons, aquesta cançó francesa actual, amb aquests ritmes tan interessats, que avui hem volgut aportar-vos al començament del nostre espai en diferents de les seves cançons. No n'hi ha dos sense tres, ni tres sense quatre. Pardonne-moi mon étalon, mon nouveau souffle, ma nouvelle air. Allons-y doucement ou arrêtons-nous là. Mon cœur à terre était blessé. Merci de l'avoir ramassé, de l'avoir lavé et soigné de ta langue. Pourtant il ne t'appartient pas, ce cœur qui bat entre tes doigts. Je l'ai condamné, bang, bang, bang. Mais taisons-nous à présent, laissons mourir ce qui ne veut pas mourir. Pardonne-moi, mon compagnon, mon centaure, mon destrier. Allons-y doucement, ou arrêtons-nous là. Pardonne-moi, ma monture, mon vaisseau de contes de fées. Allons-y doucement, ou arrêtons-nous là. Déjà trois balles entre les artères, et pas moyen de le faire taire. Mon cœur n'est que sonné, digne et dingue donc. Regarde-le qui fume encore, livré au vent, laissé pour mort. J'ai beau le tuer, il se bat de m'exsangue. Mais taisons-nous à présent, laissons mourir ce qui ne veut pas mourir. Mon cœur à terre n'est que blessé, et tu dois t'en débarrasser. Il faut le serrer, je veux que tu l'étrangles. Alors ne t'y attache pas, ce cœur qui bat entre tes doigts, que j'avais donné, plante-y tes ongles. Et taisons-nous à présent, laissons mourir ce qui ne veut pas. Fa pocs programes us vàrem oferir la música d'un cantant realment compromès amb la seva música i amb la seva societat, i això és el que avui volem tornar a recuperar, perquè ens han demanat de tornar a escoltar. Era en el programa número 77 que escoltàvem la música de Leaves the Tale, i que avui en el programa 79 ens tornarà a acompanyar amb un parell de cançons. Això sí, tampoc en escoltarem més, però sí que en el futur encara en tenim moltes més per oferir-vos. Aquest cantant francès, nascut el 24 de juliol de 1949, un artista molt compromès per la seva obra en la lluita per la defensa de l'idioma francès i dels drets dels nens. També va ser alcalde entre el 1989 i el 2014 de Précis-sur-Marne. Va debutar el 1972 i de la seva discografia avui hem elegit aquests dos temes. Nous avons ce qu'il faut pour faire changer le monde, et plus de temps à perdre en détournant les yeux, avant que sous nos pas ce trésor ne s'effondre. Unissons nos efforts et regardons le mieux. À force de braver les guerres et les tempêtes, les hommes ont-ils trouvé un sens à leur destin? Nous avons le plus beau des outils dans la tête, et des milliards de rêves encore entre nos mains. Et même si le mal s'acharne à tout détruire, s'il conspire en silence en attendant son heure, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire, on n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. Nous avons ce qu'il faut pour enchanter le monde et rallumer la flamme au fond de tous les yeux, pour remettre les hommes au centre de la ronde et permettre à chacun d'espérer vivre mieux. Nous avons le pouvoir, en retournant la terre, de semer l'avenir pour moissonner la vie, cachée dans le secret de ce profond mystère que personne à ce jour n'a encore éclairci. Ce qu'il faut pour faire chanter le monde, à moins qu'il ne s'efface à jamais des mémoires. Assemblons nos efforts et que nos voix se fondent pour unir désormais tout ce qui nous sépare. Il faut surtout changer nos regards sur le monde, parce que rien de ce monde ne nous est étranger. S'il est vrai que l'espoir un jour peut refleurir, s'il s'éveille un matin comme un arbre à son heure, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire, on n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. Nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire, on n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. S'envolent les paroles des chansons. Les histoires, certains soirs, sont cachées dans les miroirs. Au matin, bien malin qui pourrait voir le pays des mots d'amour dans les reflets du velours, le pays des mots câlins dans les reflets du satin, le pays des modèles dans les reflets du passé, celui des mots défendus dans les reflets disparus, le pays des mots d'enfant dans les reflets du printemps, celui des mots oubliés dans les reflets d'un cahier, tous les mots qui font croire aux reflets dans les miroirs. Bien malin qui peut les voir. Au pays de mon enfance, les rideaux sont tirés. Sur la ville, le silence est retombé. Le piano refermé et la chanson terminée. Au matin, bien malin qui peut trouver nos mots tendres et nos amours dans les reflets du velours, la lumière de nos matins dans les reflets du satin, les sourires du hasard qui font s'ouvrir nos mémoires pour nous offrir en passant le passé comme un présent, le pays des souvenirs sous les reflets du saphir, dans les éclats du diamant, celui des mots qu'on attend, les bonheurs dérisoires qui nous offrent un peu d'espoir, bien malin qui sait les voir. Dans les reflets du passé, celui des mots défendus dans les reflets disparus, le pays des mots d'enfant dans les reflets du printemps, celui des mots oubliés dans les reflets d'un cahier, tous les mots qui font croire aux reflets dans les miroirs, bien malin, qui peut les voir. La música continua i ho fa a través del nostre espai. Després d'haver escoltat a Leaves, seguirem amb la música que ens condueixen altres protagonistes. Ara mateix, però, canviem de ritme musical perquè escoltarem el que ens aporta una cantant. La música antillana també present dins el nostre programa. Portois porta una bona carrera, aquesta cantant, amb diferents àlbums ja publicats. Priscilla s'anomena. Portois és de l'àlbum Com Je Suis, publicat a l'agost del 2017. Oui, on sait. Et malgré tout ce qu'ils en pensent, la go Priscilla. Elle a tout ce que chez les femmes j'apprécie. Même si je fais mon malin au fond, je suis tombé. Et à ça qui t'occupe trop, oui, je suis tombé. Bonjour. Darrers instants dedicada a la música més antillana, més segur que en de Priscilla, amb aquest tema que en la col·lecció de Landry, també amb un d'ells, hem escoltat des de l'album Com de Sui del 2017 aquí a Hola la Música. De moment, Carol Massport, amb This Hotel i Priscilla ens han acompanyat i ara és el torn de que ho faci l'Àngel Rodríguez, el nostre col·laborador habitual, que ens portarà la seva

marquée à l'amour. J'attends la grâce à chaque rendez-vous. Un ange passe et je tombe à genoux. Du bout des lèvres, j'invente une prière. Je me relève et je cours en enfer. Marqué à l'amour, marqué à l'amour, je brûle mes jours. À la vie l'amour. Amour douce ivresse, amour plein été, amour SOS, amour naufragé. Marqué à l'amour, marqué à l'amour, je brûle mes jours. À la vie l'amour, marqué à l'amour, marqué au fer du souvenir, marqué à l'amour. J'ai la mémoire en lambeaux, tatouée de larmes et de rires. J'ai mon histoire sur ma peau, marqué à l'amour, marqué au fer du souvenir, marqué à l'amour. J'ai la mémoire en lambeaux, tatouée de larmes et de rires. Mon histoire sur ma peau. Gràcies a l'Àngel una vegada més per la seva col·laboració presentant a Tal, un artista de la qual doncs, també escoltarem cançons properament. Com cada vegada que l'Àngel ens porta un artista, nosaltres després us n'oferim més de les seves cançons i ho farem properament. Ara és el torn d'escoltar unes quantes cançons de l'Àdamo. Ja veieu que no ens estem quiets i anem saltant d'un lloc a l'altre. En aquest cas, aquest intèrpret tan fantàstica que ens acompanyava amb les seves cançons, el cantant nascut a Sicília, triomfador en diversos idiomes, entre ells el francès, òbviament. Va néixer a Comiso, Sicília, el 1943. És un cantautor italo-belga de fama internacional. Es van traslladar a Brussel·les quan ell era molt petit. Àdamo, amb una altra cançó de les fantàstiques que avui podem escoltar a través del nostre programa. Si jamais en un jour de cafard il te prenait soudain l'envie de me revoir, si jamais le regret te prend la main, suis-le, n'hésite pas, s'il te conduit vers moi, moi j'oublierai. Le mal que tu m'as fait, je me tairai, pourvu que tu reviennes. Si jamais, si jamais tu pouvais comprendre, si jamais que je reste à t'attendre, si jamais bien tu serais ma reine. Si dans le souvenir de mes caresses tu trouvais la tendresse qui te manque aujourd'hui, n'oublie pas qu'au bout d'une rue déserte ma porte te reste ouverte. Viens chasser mon ennui, moi j'oublierai. le mal que tu m'as fait. Je me tairai pourvu que tu reviennes. Si jamais, si jamais tu pouvais comprendre, si jamais que je reste à t'attendre, serait ma reine. Si jamais, si jamais, si jamais, si jamais, si café noir, le ronron du rasoir, un journal sans espoir que je froisse. Même le soleil qui se lève pareil, quel que soit mon réveil, m'angoisse. Mais te voilà, notre enfant dans les bras, qui nous sourit déjà, innocence. Un ange passe, les nuages s'effacent, il faudra qu'on se fasse confiance. Il faut s'aimer encore plus fort, d'un amour toute voile dehors, d'un amour qui défie le temps. Il faut s'aimer plus grand. Il faut s'aimer, il faut s'aimer pour cet espoir désespéré. Chaque bleu que nous prendrons au cœur, chaque griffe du temps, chaque peine, pour qu'à nous deux, nous fassions comme un pont, par-dessus la laideur et la haine. Pour ce désert qui s'installe chez nous, pour ce vague dégoût que l'on traîne, pour cette terre que le malheur enserre et qui de guerre en guerre se gangrène. Il faut s'aimer encore plus fort, d'un amour toute voile dehors, d'un amour qui défie le temps. Il faut s'aimer encore. Recte final del nostre espai, dues darreres cançons després d'Adamo i aquestes tres cançons que ens ha acompanyat, tancarem el nostre programa amb la música de Claire Jou. Elle a toujours le mot de la fin quand tout le monde est parti et qu'on n'entend plus rien. Elle connaît jamais la réponse aux questions, mais elle répond quand même. Faut croire que c'est un don. Au début, ça surprend. On peut croire que c'est de l'humour, du recul sur elle-même, un appel au secours. J'aime pas trop dire du mal, mais là, c'est un constat. J'y peux rien. Elle est bête et méchante à la fois. T'aimes pas trop dire du mal, mais là vraiment. C'est un constat, t'y peux rien. Elle est bête, bête et méchante à la fois. Tais-toi. Bête à bouffer du foin, bête à compter ses doigts, piquer dans les vitrines et vénérer la loi. Allez, tais-toi. Dénoncer son prochain tout en ayant la foi. Se proclamer victime et connaître ses droits. Elle s'ennuie. Alors elle s'occupe, va faire les magasins, va se piquer une jupe. Elle rêve d'être riche et célèbre, bien sûr, du genre Paris Hilton dans sa nouvelle voiture. Elle aimerait être riche et aussi célèbre, bien sûr, du genre Paris Hilton dans sa nouvelle voiture. Bête à bouffer du foin, bête à compter ses doigts, piquer dans les vitrines et vénérer la loi. Dénoncer son prochain. Elle est toujours trop dégoûtée de ce qui se passe dans le monde, dans les actualités. Elle ignore le fond de sa pensée et sa seule certitude, c'est qu'elle déteste son nez. Comme tout le monde, elle ignore le fond de sa propre pensée. Elle sait juste qu'au fond, elle déteste son nez. Bête à bouffer des fois, bête à compter ses doigts, piquer dans les vitrines et vénérer la loi. Dénoncer son prochain tout en ayant la foi. Se proclamer victime et connaître ses droits. Et le samedi, entre copines branchées, elles se paieront un verre dans leur ancien QG. Raconteront leurs ébats, se moqueront de la serveuse et de tous les pauvres types qui osent draguer la gueuse. Elles raconteront leurs ébats, se moqueront de la serveuse et de tous les pauvres types qui osent draguer la gueuse. Bête à bouffer du foin, bête à compter ses doigts, piquer dans les vitrines et vénérer la loi. Dénoncer son prochain et connaître ses droits. Bête à bouffer des foins, bête à compter ses doigts, piquer dans les vitrines et vénérer la loi. Dénoncer son prochain tout en ayant la foi. Se proclamer victime et connaître ses droits. Je suis sirène et tout. Doncs sí, fins aquí hem arribat a la final d'aquest espai a través de la nostra sintonia Hola La Music, el programa de música en francès, que avui ha comptat amb tots aquests grans protagonistes i que Claire Jou ens acompanyarà amb els darrers instants amb dues de les seves cançons. Sempre pretenem descobrir-vos també nous i brillants intèrprets i aquí, en aquest cas, en tenim una d'excepcional. Ho acabeu d'escoltar amb la seva música, una jove intèrpreta que sens dubte val la pena, i intèrprets que val la pena per poder escoltar. Doncs bé, salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera amb La Sirena. Ens acomiadem avui que el Masport, Yves Hotel, la Priscilia, Tal, l'Adamo i la Claire ens han estat les, els protagonistes. Fins ben aviat, a reveure. J'interprète des mélodies envoûtantes, irrésistibles aux humains. J'ai une voix merveilleuse, bienveillante et magique, comme la douceur d'une mère assurante qui protégerait les siens. Dis-moi ce que j'aime, c'est le rock'n'roll, le punk, le hardcore, le heavy metal. J'en ai assez de ces bonnets qui viennent chercher des niaiseries. Allez jouer plus loin les enfants, laissez-moi exploser ma nuit. Je veux hurler que tout est noir, à faire péter les corbeaux calmes, bouffer vivant des homards, je veux que tout le monde se mette à poil. sensible à ta musique. Moi, mon truc, c'est la musette. Dis-moi ce que j'aime, c'est le rock'n'roll, le punk, le hardcore, le heavy metal. T'es encore pire que les autres avec ton disque Yvette Turner. J'arrive pas à croire que je te cause tes péris, mais faut que tu meurs. Je veux faire péter ma voix fatale et sexuellement transmissible. Je veux que tout le monde se mette à poil, je veux mettre le feu à des bibles. Comme je me sens parfaitement incomprise, je n'ai plus qu'une chose à faire. Si fort, des cris repoussants qui éloigneront les fils à maman. Je veux attirer du punk avec des guitares électriques. Je veux renifler la sueur de tatoué au regard rubrique. Je veux hurler que tout est noir à faire péter les corps vocales. Je vous fais vivant des homards. Je veux que tout le monde se mette à poil. Et ben à poil.